Les Nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Au cœur de l'été 1957, on apprit que le FBI avait arrêté à New York un espion de l'Est de la plus haute importance. Il se faisait appeler Emil R. Goldfuss, mais avait dû avouer qu'il était le colonel Rudolf Abel. Le 1er mai 1960, était abattu un avion espion américain U-2 qui survolait l'URSS. Les soviétiques récupérèrent les restes de l'avion et capturèrent sain et sauf son pilote, Francis Gary Powers. Échangés en février 1962, Abel et Powers se croisèrent sur le pont de Glinicke entre Berlin-Ouest et Potsdam en RDA. En août 1957, dans Paris vous parle, la RTF annonçait l'arrestation du colonel Abel. Trois ans plus tard, au mois de mai 1960, par la voix de Serge Berg depuis Moscou, Paris vous parle rapportait l'intervention de Khrouchtchev révélant devant le Soviet suprême l'affaire de l'avion U-2 et la capture du pilote. Et en février 1962, dans Interactualité sur Paris Inter, on commentait l'échange imminent d'Abel et Powers. Pendant plusieurs dizaines d'années encore, on ne doutera pas, à l'Ouest, de l'identité de Rudolf Abel. Mais c'était bien le légendaire William Fisher qui, sous le nom d'Abel, passait vers l'Est le pont des espions un jour de février 1962. À suivre, trois archives des actualités radiophoniques de l'époque. Tout d'abord, Paris vous parle du 9 juin 1957, arrestation d'un espion russe aux USA par la voix de Jacques Simon. Ici Jacques Simon à New York. Les autorités américaines font grand cas depuis deux jours de l'arrestation d'un citoyen soviétique qualifié de chef des réseaux d'espionnage russes aux États-Unis. Il s'appelle Rudolf Ivanovich Abel et a, selon les déclarations du FBI, rang de colonel dans les services d'espionnage de son pays. En fait, l'arrestation de Rudolf Abel remonte au 21 juin. Il n'était accusé alors que d'entrée illégale sur le territoire américain et avait été interné dans un camp au Texas en attendant d'être déporté. C'est en fouillant sa chambre dans un hôtel de New York et le studio de photographe qu'il occupait à Brooklyn que les policiers américains auraient découvert tout un matériel d'espionnage. Ce matériel est décrit avec abondance dans les journaux qui parlent de postes récepteurs à ondes courtes, mais non pas de postes émetteurs, de cryptogrammes, de messages chiffrés, en code et de notes mystérieuses. Cette moisson est actuellement étudiée par 30 agents du FBI. Rudolf Abel a été ramené à New York, où il risque la peine de mort qui est prévue aux États-Unis pour certains délits d'espionnage, même en temps de paix. Le principal accusateur de Rudolf Abel serait son ancien second, le colonel russe Enanen, qui a choisi la liberté quand il a été rappelé en URSS après avoir lui aussi espionné aux États-Unis. Comme il est normal dans une affaire d'espionnage, les nombreux détails que donne la police sont loin d'éclairer entièrement l'affaire, et rien, par exemple, n'indique sur quoi le FBI se fonde pour qualifier Rudolf Abel de chef du réseau d'espionnage soviétique aux États-Unis. Les prochains jours, cependant, nous en apprendrons peut-être plus. Ici Jacques Simon à New York. À vous, Paris. Paris vous parle du 7 mai 1960, avion espion américain abattu par l'URSS, par les voix de Michel Texier et Serge Berg. Eh bien, pendant que nous avions notre liaison avec Istanbul, on me fait signe que la liaison prévue avec Moscou est arrivée, avec un petit peu de retard, mais vient de me dire mon autre correspondant qui m'écoute actuellement, les lignes entre Moscou et Paris sont surchargées, ce qui explique ce léger retard dont nous nous excusons. Allô Moscou, vous m'entendez ? Allô Serge Berg ? Ici Serge Berg, correspondant de l'agence France Presse. Vous avez la parole. Oui ? Une atmosphère de véritable suspense a régné aujourd'hui au Soviet suprême de l'URSS. que M. Khrushchev, nouvelle révélation sur l'avion américain qui a violé l'espace aérien soviétique le 1er mai dernier et fut abattu par une fusée soviétique. On s'attendait bien à Moscou à ce que le chef du gouvernement de l'URSS fournisse aujourd'hui de nouvelles précisions sur cette affaire. Mais ces dernières ont été telles et données avec un tel art de dire « Attendez, j'ai encore quelque chose de mieux » qu'aussi bien les 1500 députés du Soviet suprême que la cinquantaine de journalistes qui suivaient le discours de M. Khrushchev étaient littéralement suspendus aux paroles que prononçait ce dernier. Des millions de téléspectateurs et un nombre encore plus élevé de possesseurs de radio étaient également pendant ce temps-là devant leurs écrans et leurs postes. Qu'a dit M. Khrushchev, dont le discours d'une heure a été, pour ainsi dire, en majeure partie consacré à l'avion américain? Que cet avion faisait délibérément de l'espionnage au-dessus du territoire soviétique, et que la thèse du département d'État américain, selon laquelle il s'agissait d'un avion météorologique qui avait perdu sa route, était plus que ridicule. Et le chef du gouvernement soviétique n'a pas manqué alors, comme l'aurait fait le meilleur des procureurs, à citer des faits de plus en plus probants et montrer des pièces à conviction pour confondre ceux qui sont responsables de cet acte. L'avion américain a été abattu au-dessus de la région de Sverdlovsk, dans l'Oural, à plus de 2000 km de la frontière méridionale de l'URSS. Allô, Moscou ? À bande magnétique dont était équipé l'avion, et en développant le film, on a pu notamment voir des photos d'aérodromes soviétiques avec leurs chasseurs, des usines et d'autres objectifs. Enfin, et cette révélation fut la plus sensationnelle, M. Khrushchev annonça que le pilote de l'avion était sain et sauf et qu'il se trouvait même à Moscou. Il donna son nom, son âge, sa carrière, les noms de ses supérieurs au service central de renseignement. Le pilote, au moment de son arrestation, avait sur lui 3 montres en or, 6 alliances de femmes, 7500 roubles, des francs en or, dont des Napoléons, des lires, des Deutsche Mark, etc., ainsi qu'un revolver silencieux et un garde-poisson pour se tuer s'il était pris pendant sa mission. Bref, tout l'arsenal qu'un homme investi de mission spéciale peut avoir sur lui. M. Khrushchev ajouta également que le pilote avait parlé. Parti de Peshawar au Pakistan, il devait atterrir en Norvège en traversant toute la Russie du sud-est au nord-ouest, en passant au-dessus de points déterminés, en actionnant à des moments précis ses appareils de prise de vue. L'altitude très élevée à laquelle il volait, plus de 20 000 mètres, devait le mettre à l'abri de la poursuite des chasseurs. Tous ces faits et d'autres encore que cita M. Khrushchev apparaissent comme très significatifs. L'ensemble, l'affaire semble être jugée. Mais d'autres questions se posent en relation avec tout cela. Pourquoi une telle publicité à 10 jours de la conférence au sommet? M. Khrushchev semble avoir répondu en déclarant qu'il admettait entièrement que le président Eisenhower pouvait ne pas être au courant de ces provocations qu'organisent, selon lui, certains milieux agressifs américains obnubilés par le désir d'espionnage. Mais que devant une telle insolence, on ne pouvait se taire, car l'histoire de l'avion n'est, selon Khrushchev, qu'un aspect des préparatifs de guerre de certains milieux impérialistes. Voilà où en sont les choses. L'ambassadeur américain à Moscou n'a voulu faire aucun commentaire aux journalistes. C'est à Washington de s'occuper de l'affaire, a-t-il répondu. Et dans tout cela, que devient la conférence au sommet? En général, dans les milieux diplomatiques de Moscou, on ne dramatise pas la situation, mais on attend tout de même, avec une certaine inquiétude, les développements que peut avoir toute cette affaire. Ici, Serge Berg, correspondant de l'AFP, qui vous a parlé de Moscou. À vous, Paris. Merci, Moscou, et à demain soir. Interactualité de 8h15 du 11 février 1962, échange Francis Powers contre Rudolf Abel par la voix de Francis Mercury. Affaires internationales, Francis Powers, le pilote américain de l'U-2, fait route vers les États-Unis, tandis qu'Abel, le colonel des services secrets soviétiques, se trouve quelque part entre Berlin et Moscou. Francis Mercury. Oui, Powers aura juste le temps à son arrivée d'embrasser sa famille. Il repartira ensuite vers une destination inconnue. En effet, les agents du service secret américain ont quelques questions à lui poser. D'ailleurs, dès à présent, Powers est au secret. Hier soir, Pierre Salinger, le porte-parole de la Maison-Blanche, a fait savoir aux journalistes qu'il ne pourrait rencontrer Powers avant 10 jours au moins. Précaution sans précédent, aucune indication n'est donnée sur le lieu ou l'heure d'atterrissage de l'avion à bord duquel le pilote de l'U-2 effectue son voyage de retour aux États-Unis. Aux États-Unis, les réactions sont très diverses. Elles vont de la satisfaction à une réserve très marquée. Eh bien oui, le premier mouvement de satisfaction passé, l'opinion américaine se pose quelques questions. Ainsi, ce matin, le New York Herald Tribune se demande si Powers est un héros ou un homme qui a trahi son pays. Sachant que ni lui, ni aucun autre pilote des avions U-2 ne devait tomber entre les mains ennemies, pourquoi ne s'est-il pas fait sauter, lui et l'avion? Pourquoi n'a-t-il pas utilisé le poison ou le pistolet qu'il avait à bord? Le procureur, qui avait requis au procès du colonel Rudolf Abel, a même déclaré qu'à son avis, les soviétiques faisaient une excellente affaire en échangeant un simple pilote d'avion contre un expert de la valeur du colonel Abel. En effet, a dit le procureur, spécialiste des affaires d'espionnage, Abel est le meilleur espion que j'ai jamais rencontré. Oui, mais dans l'ensemble, on interprète quand même cet échange de prisonniers comme un petit signe, comme une volonté de détente. La libération intervenue hier s'inscrit dans un contexte spécial. En effet, Powers était devenu, aux yeux des soviétiques, la personnification de l'attitude agressive des Occidentaux. Abel était pour les Américains le personnage type de l'action subversive communiste. Leur libération prend ainsi une valeur de symbole. Khrouchtchev passe l'éponge sur un incident qui l'avait amené à saboter la conférence au sommet. Kennedy accomplit pour sa part un geste similaire, car sans nul doute, la décision de cette double libération est intervenue au sommet. C'est d'ailleurs le président Kennedy lui-même qui a signé l'ordre graciant le colonel Abel, et c'est le présidium du comité central à Moscou qui a pris la décision concernant Powers. Et dans les capitales occidentales, on estime que cette double libération peut rendre plus facile le dialogue entre l'Union soviétique et les États-Unis. C'est dans cette même perspective d'ailleurs que s'inscrivent les voyages de M. Ajoubet à Washington et celui que va effectuer en mai prochain à Moscou M. Pierre Salinger. Et cette détente pourrait même aboutir à une visite du président Kennedy en URSS, réplique de la visite qu'effectua M. Khrouchtchev en 1960 aux États-Unis. Mais pour le moment, en dépit de cette offensive du sourire et de ces mesures limitées de détente, les points de vue soviétiques et américains restent divergents, en particulier sur le problème de Berlin et sur le désarmement. Vous avez entendu successivement arrestation d'un espion russe aux USA par la voix de Jacques Simon dans Paris vous parle du 9 juin 1957, avion espion américain abattu par l'URSS par les voix de Michel Texier et Serge Berg dans Paris vous parle du 7 mai 1960, puis échange Francis Powers contre Rudolf Abel par la voix de Francis Mercury dans Interactualité de 8h15 du 11 février 1962. Vous pouvez télécharger et réécouter ces trois émissions à la page des nuits sur le site franceculture.fr.